Chapitre 16. Saint-Pétersbourg. De Novogorod jusqu'à Pétersbourg, il n'y a presque plus que des marais, et l'on arrive dans l'une des plus belles villes du monde, comme si, d'un coup de baguette, un enchanteur faisait sortir toutes les merveilles de l'Europe et de l'Asie du sein des déserts. La fondation de Pétersbourg est la plus grande preuve de cette ardeur de la volonté russe, qui ne connaît rien d'impossible. Tout est humble aux alentours. La ville est bâtie sur un marais et le marbre même y repose sur des pilotis. Mais on oublie, en voyant ces superbes édifices, leurs fragiles fondements, et l'on ne peut s'empêcher de méditer sur le miracle d'une si belle ville bâtie en si peu de temps. Ce peuple, qu'il faut toujours peindre par des contrastes, est d'une persévérance inouïe contre la nature ou contre les armées ennemies. La nécessité trouva toujours les Russes patients et invincibles. Mais, dans le cours ordinaire de la vie, ils sont très inconstants. Les mêmes hommes, les mêmes maîtres, ne leur inspirent pas longtemps de l'enthousiasme. La réflexion seule peut garantir la durée des sentiments et des opinions dans le calme habituel de la vie. Et les Russes, comme tous les peuples soumis au despotisme, sont plus capables de dissimulation que de réflexion. En arrivant à Pétersbourg, mon premier sentiment fut de remercier le ciel d'être au bord de la mer. Je vis flotter sur la Neva le pavillon anglais, signal de la liberté, et je sentis que je pouvais, en me confiant à l'océan, rentrer sous la puissance immédiate de la divinité. C'est une illusion dont on ne saurait se défendre que de se croire plus sous la main de la Providence quand on est livré aux éléments que lorsqu'on dépend des hommes, et surtout de l'homme qui semble une révélation du mauvais principe sur cette terre. En face de la maison que j'habitais à Pétersbourg était la statue de Pierre Ier. On le représente à cheval, gravissant une montagne escarpée au milieu de serpents qui veulent arrêter les pas de son cheval. Ces serpents, il est vrai, sont mis là pour soutenir la masse immense du cheval et du cavalier. Mais cette idée n'est pas heureuse, car, dans le fait, ce n'est pas l'envie qu'un souverain peut redouter. Ceux qui rampent ne sont pas non plus ses ennemis, et Pierre Ier, surtout, n'eut rien à craindre pendant sa vie que des Russes qui regrettaient les anciens usages de leur pays. Toutefois, l'admiration que l'on conserve pour lui est une preuve du bien qu'il a fait à la Russie, car, 100 ans après leur mort, les despotes n'ont plus de flatteurs. On voit écrit sur le piédestal de la statue « À Pierre Ier, Catherine II ». Cette inscription simple et néanmoins orgueilleuse a le mérite de la vérité. Ces deux grands hommes ont élevé très haut la fierté russe, et savoir mettre dans la tête d'une nation qu'elle est invincible, c'est la rendre telle, au moins dans ses propres foyers. Car la conquête est un hasard qui dépend peut-être encore plus des fautes des vaincus que du génie du vainqueur. On prétend avec raison que l'on ne peut à Pétersbourg dire d'une femme qu'elle est vieille, comme les rues, tant les rues elles-mêmes sont modernes. Les édifices sont encore d'une blancheur éblouissante, et la nuit, quand la lune les éclaire, on croit voir de grands fantômes blancs qui regardent, immobiles, le cours de la Neva. Je ne sais ce qu'il y a de particulièrement beau dans ce fleuve, mais jamais les flots d'aucune rivière ne m'ont paru si limpides. Des quais de granit de 30 verstes de long bordent ces ondes, et cette magnificence du travail de l'homme est digne de l'eau transparente qu'elle décore. Si Pierre Ier avait dirigé de pareils travaux vers le midi de son empire, il n'aurait pas obtenu ce qu'il désirait, une marine. Mais peut-être se serait-il mieux conformé au caractère de sa nation. Les Russes, habitants de Pétersbourg, ont l'air d'un peuple du Midi condamné à vivre au Nord, et faisant tous ses efforts pour lutter contre un climat qui n'est pas d'accord avec sa nature. Les habitants du Nord sont d'ordinaire très casaniers et redoutent le froid, précisément parce qu'il est leur ennemi de tous les jours. Les gens du peuple, parmi les Russes, n'ont pris aucune de ces habitudes. Les cochers attendent 10 heures à la porte pendant l'hiver, sans se plaindre. Ils se couchent sur la neige, sous leur voiture, et transportent les mœurs des Lazzaroni de Naples au 60e degré de latitude. Vous les voyez établis sur les marches des escaliers, comme les Allemands dans leur duvet. Quelquefois, ils dorment debout, la tête appuyée contre un mur. Tour à tour, indolents ou impétueux, ils se livrent alternativement au sommeil ou à des fatigues incroyables. Quelques-uns s'enivrent et diffèrent en cela des peuples du Midi qui sont très sobres. Mais les Russes le sont aussi, et d'une manière à peine croyable, quand les difficultés de la guerre l'exigent. Les grands seigneurs russes montrent, à leur manière, les goûts des habitants du Midi. Il faut aller voir les diverses maisons de campagne qu'ils se sont bâties au milieu du Nil, formées par la Neva, dans l'enceinte même de Pétersbourg. Les plantes du Midi, les parfums de l'Orient, les divans de l'Asie embellissent ces demeures. Des serres immenses, où mûrissent des fruits de tous les pays, forment un climat factice. Les possesseurs de ces palais tâchent de ne pas perdre le moindre rayon du soleil pendant qu'il paraît sur leur horizon. Ils le fêtent comme un ami qui va bientôt s'en aller, mais qu'ils ont connu jadis dans une contrée plus heureuse. Le lendemain de mon arrivée, j'allais dîner chez l'un des négociants les plus estimés de la ville qui exerçait l'hospitalité russe, c'est-à-dire qu'il plaçait sur le toit de sa maison un pavillon pour annoncer qu'il dînait chez lui, et cette invitation suffisait à tous ses amis. Il nous fit dîner en plein air tant on était content de ces pauvres jours d'été, dont il restait encore quelques-uns auxquels nous n'aurions guère donné ce nom dans le Midi de l'Europe. Le jardin était très agréable. Des arbres, des fleurs l'embellissaient. Mais, à quatre pas de la maison, recommençait le désert ou le marais. La nature, aux environs de Pétersbourg, a l'air d'un ennemi qui se ressaisit de ses droits dès que l'homme cesse un moment de lutter contre lui. Le matin suivant, je me rendis à l'église de Notre-Dame de Kazan, bâtie par Paul Ier, sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. L'intérieur de l'église, décoré d'un grand nombre de colonnes de granit, est de la plus grande beauté. Mais l'édifice lui-même déplaît précisément parce qu'il rappelle Saint-Pierre et qu'il en diffère d'autant plus qu'on a voulu l'imiter. On ne fait pas en 2 ans ce qui a coûté 1 siècle aux premiers artistes de l'univers. Les Russes voudraient, par la rapidité, échapper au temps comme à l'espace. Mais le temps ne conserve que ce qu'il a fondé. Et les beaux-arts, dont l'inspiration semble la première source, ne peuvent cependant se passer de la réflexion. J'allais de Notre-Dame de Kazan au couvent de Saint-Alexandre Nevski, lieu consacré à un des héros souverains de la Russie, qui étendit ses conquêtes jusqu'aux rives de la Neva. L'impératrice Élisabeth, fille de Pierre Ier, lui a fait construire un cercueil d'argent, sur lequel on a coutume de poser une pièce de monnaie comme gage du vœu que l'on recommande au saint. Le tombeau de Souvarov est dans ce couvent d'Alexandre, mais il n'y a que son nom qui le décore. C'est assez pour lui, mais non pas pour les Russes, auxquels il a rendu de si grands services. Au reste, cette nation est si militaire qu'elle s'étonne moins qu'une autre des hauts faits en ce genre. Les plus grandes familles de Russie ont élevé des tombeaux à leurs parents dans le cimetière qui tient à l'église de Nevski, mais aucun de ces monuments n'est digne de remarque. Ils ne sont pas beaux sous le rapport de l'art, et nulle idée grande n'y frappe l'imagination. Il est vrai que la pensée de la mort produit peu d'effet sur les Russes. Soit courage, soit inconstance dans les impressions, les longs regrets ne sont guère dans leur caractère. Ils sont plus capables de superstition que d'émotion. La superstition se rapporte à cette vie, et la religion à l'autre. La superstition se lie à la fatalité et la religion à la vertu. C'est par la vivacité des désirs terrestres qu'on devient superstitieux, et c'est au contraire par le sacrifice de ces mêmes désirs qu'on est religieux. M. de Romanzoff, ministre des Affaires étrangères de Russie, me combla des politesses les plus aimables, et c'était à regret que je pensais qu'il avait été tellement dans le système de l'empereur Napoléon qu'il aurait dû, comme les ministres anglais, se retirer quand ce système était rejeté. Sans doute, dans une monarchie absolue, la volonté du maître explique tout, mais la dignité d'un premier ministre exige peut-être que des paroles opposées ne sortent pas de la même bouche. le souverain représente l'État, et l'État peut changer de politique quand les circonstances l'exigent. Mais le ministre n'est qu'un homme, et un homme, sur des questions de cette importance, ne doit avoir qu'une opinion dans le cours de sa vie. Il est impossible d'avoir de meilleure manière que M. de Romanzoff, et de recevoir plus noblement les étrangers. J'étais chez lui lorsqu'on annonça l'envoyé d'Angleterre, Lord Tyrconnel, et l'amiral Bentinck, tous les deux d'une figure remarquable. C'étaient les premiers Anglais qui reparaissaient sur ce continent dont la tyrannie d'un seul homme les avait bannis. Après 10 ans d'une si terrible lutte, après 10 ans pendant lesquels les succès et les revers avaient toujours trouvé les Anglais fidèles à la boussole de leur politique, la conscience, ils revenaient enfin dans le pays qui, le premier, s'affranchissait de la monarchie universelle. Leur accent, leur simplicité, leur fierté, tout réveillait dans l'âme le sentiment du vrai en toute chose, que Napoléon a trouvé l'art d'obscurcir aux yeux de ceux qui n'ont lu que ses gazettes et n'ont entendu que ses agents. Je ne sais pas même si les adversaires de Napoléon sur le continent, entourés constamment d'une fausse opinion qui ne cesse de les étourdir, peuvent se confier sans trouble à leurs propres sentiments. Si j'en puis juger par moi, je sais que souvent, après avoir entendu tous les conseils de prudence ou de bassesse dont on est abîmé dans l'atmosphère bonapartiste, je ne savais plus que penser de ma propre opinion. Mon sang me défendait d'y renoncer, mais ma raison ne suffisait pas toujours pour me préserver de tant de sophismes. Ce fut donc avec une vive émotion que j'entendis de nouveau la voix de cette Angleterre, avec laquelle on est presque toujours sûr d'être d'accord quand on cherche à mériter l'estime des honnêtes gens et de soi-même. Le lendemain, le comte Orloff m'invita à venir passer la journée dans l'île qui porte son nom. C'est la plus agréable de toutes celles que forme la Neva. Des chênes, production rare pour ce pays, ombragent le jardin. Le comte et la comtesse Orloff emploient leur fortune à recevoir les étrangers avec autant de facilité que de magnificence. On est à son aise chez eux comme dans un asile champêtre, et l'on y jouit de tout le luxe des villes. Le comte Orloff est un des grands seigneurs les plus instruits qu'on puisse rencontrer en Russie, et son amour pour son pays porte un profond caractère dont on ne peut s'empêcher d'être ému. Le premier jour que je passai chez lui, la paix venait d'être proclamée avec l'Angleterre. C'était un dimanche, et dans son jardin, ouvert ce jour-là aux promeneurs, on voyait un grand nombre de ces marchands à barbe qui conservent en Russie le costume des moujiks, c'est-à-dire des paysans. Plusieurs se rassemblèrent pour écouter l'excellente musique du comte Orloff. Elle nous fit entendre l'air anglais « God save the king », « Dieu protège le roi », qui est le chant de la liberté dans un pays où le monarque en est le premier gardien. Nous étions tous émus et nous applaudîmes à cet air national pour tous les Européens, car il n'y a plus que 2 espèces d'hommes en Europe, ceux qui servent la tyrannie et ceux qui savent la haïr. Le comte Orloff s'approcha des marchands russes et leur dit que l'on célébrait la paix de l'Angleterre avec la Russie. Ils firent alors le signe de la croix et remercièrent le ciel de ce que la mer leur était encore une fois ouverte. L'île Orloff est au centre de toutes celles où les grands seigneurs de Pétersbourg et l'empereur et l'impératrice eux-mêmes ont choisi pendant l'été leur séjour. Non loin de là est l'île Strogonoff, dont le riche propriétaire a fait venir de Grèce des antiquités d'un grand prix. Sa maison était ouverte tous les jours pendant sa vie, et quiconque y avait été présenté pouvait y revenir. Il n'invitait jamais personne à dîner ou à souper pour tel jour. Il était convenu qu'une fois admis, l'on était toujours bien reçu. Souvent, il ne connaissait pas la moitié des personnes qui dînaient chez lui. Mais ce luxe d'hospitalité lui plaisait comme tout autre genre de magnificence. Beaucoup de maisons à Pétersbourg ont à peu près la même coutume. Il est aisé d'en conclure que ce que nous entendons, en France, par les plaisirs de la conversation, ne saurait s'y rencontrer. La société est beaucoup trop nombreuse pour qu'un entretien d'une certaine force puisse jamais s'y établir. Toute la bonne compagnie a des manières parfaites, mais il n'y a ni assez d'instruction parmi les nobles, ni assez de confiance entre des personnes qui vivent sans cesse sous l'influence d'une cour et d'un gouvernement despotique, pour que l'on puisse connaître les charmes de l'intimité. La plupart des grands seigneurs de Russie s'expriment avec tant de grâce et de convenance qu'on se fait souvent illusion au premier abord sur le degré d'esprit et de connaissance de ceux avec qui l'on s'entretient. Le début est presque toujours d'un homme ou d'une femme de beaucoup d'esprit, mais quelquefois aussi à la longue, l'on ne retrouve que le début. On ne s'est point accoutumé en Russie à parler du fond de son âme ni de son esprit. On avait naguère si peur de ses maîtres qu'on n'a point encore pu s'habituer à la sage liberté qu'on doit au caractère d'Alexandre. Quelques gentilshommes russes ont essayé de briller en littérature et ont fait preuve de talent dans cette carrière, mais les lumières ne sont pas assez répandues pour qu'il y ait un jugement public formé par l'opinion de chacun. Le caractère des Russes est trop passionné pour aimer les pensées le moins du monde abstraites. Il n'y a que les faits qui les amusent. Ils n'ont pas encore eu le temps ni le goût de réduire les faits en idées générales. D'ailleurs, toute pensée signifiante est toujours plus ou moins dangereuse au milieu d'une cour où l'on s'observe les uns les autres et où, le plus souvent même, on s'envie. Le silence de l'Orient est transformé en des paroles aimables, mais qui ne pénètrent pas d'ordinaire jusqu'au fond des choses. On se plaît un moment dans cette atmosphère brillante qui dissipe agréablement la vie, mais, à la longue, on ne s'y instruit pas, on n'y développe pas ses facultés, et les hommes qui passent ainsi leur temps n'acquièrent aucune capacité pour l'étude ou pour les affaires. Il n'en était pas ainsi de la société de Paris. On a vu des hommes formés seulement par les entretiens piquants ou sérieux que faisait naître la réunion des nobles et des gens de lettres.